One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, frères et sœurs en islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Surat An-Najm, ce qui, donc, on est arrivé à la ayah numéro 55. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné aux Arabes, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cas de quatre nations avant eux qui avaient rejeté le message de leur prophète et quel a été leur sort, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait terminé dans les ayats 54 et 55, plutôt 53 et 54, dans lesquels Allah azza wa jalla, il cite l'exemple du peuple de Lout qui sont appelés ici Al-Mu'tafikat. Dans la ayat 55, Allah azza wa jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَ. Par lesquelles des ayats de ton Seigneur que tu fais le mira. Alors, c'est quoi les ala'? Les ala', ça veut dire les ni'am, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faveurs d'Allah azza wa jalla. Disent les ulama, c'est un mot très très rare ici, surtout le singulier plutôt. Le singulier de ala', c'est alan wa ilan. Alan. Si on fait un sondage, les gens vont dire c'est quoi les ala'? Pas mal de personnes vont connaître les ala', c'est les ni'am. Et si on va dire c'est quoi le singulier de ala'? Très difficile. Donc, dans la langue arabe, singulier de ala', les ulama ils disent c'est alan ou ilan. On peut dire alan et ilan. Alors, Allah Azza wa Jalla dit فَبِأَيِّ آلَاءِ desquels, par lesquels des faveurs de ton Seigneur que tu vas faire le mira, تَتَمَارَ أَيْ تَرْتَابُ وَتَشُكُّ وَتُجَادِلْ. تَتَمَارَ, ça veut dire tu doutes. Mais tu doutes aussi, ça vient avec le sens ici, al-mira, c'est le doute et le quoi? Le questionnement, la polémique. Al-jidal. Al-miryatu at-taraddudu fil amr wa huwa akhass min ash-shakk. Al-mirya, c'est une certaine hésitation avec un doute, mais en même temps ça vient avec une certaine quoi, agressivité. C'est pour ça ils disent aslu ma raya yadullu ala salabatin fi shay' li'anna al-mira'a kalamun fihi ba'd ash-shiddah. Ma raya, cette racine, elle fait référence à une certaine quoi, dureté, parce que celui qui fait al-mira, c'est quoi? Ça vient habituellement avec une certaine agressivité. Je te pose une question. Comment se fait-il que telle et telle chose? Moi, je suis pas convaincu. J'ai un doute. Là, je demande pour avoir une certaine information, des clarifications. Ou peut-être pour te piéger. Mais je demande. Mais là, si je commence à te couper la parole et à t'opposer, à agir avec toi de façon agressive, وَأَذْكُرُ الْإِعْتِرَادَاتِ, à chaque fois je m'oppose avec des contre-arguments et je te coupe, on appelle ça quoi? Al-mira. Il y a une certaine agressivité là-dessus. أي فبأي نعم ربك أيها الإنسان ترتاب وتشكك وتكذب وتجادل. Oh toi l'être humain, tu veux débattre et faire la polémique à propos des ni'am, des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici les ulama ils disent ici quelque chose de très intéressant. Ils disent كيف قال الله تعالى بعد تعديد النقم. Comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jalla parle, il cite ses faveurs après avoir mentionné les punitions? Ça c'est des punitions de quatre nations. Après ça, Allah Azza wa Jalla parle de ses bienfaits, de ses ni'am. Alors ils disent deux choses. قد تقدم تعديد النعم مع أن النقمة في طيها نعمة لما تضمنته من المواعظ والزواجر لمن اعتبر وتدبر ولذلك أطلق على النعم والنقم لفظ الآلاء وهي النعم التي لا يتشكك فيها سامع. De un, c'est parce que le fait d'avoir mentionné tous ces sorts des nations de par le passé, ça contient quoi? Les avertissements. Et avertir quelqu'un du sort qui pourrait l'attendre s'il continue comme ça, ça c'est quoi? Ni'ma, bien fait. Le médecin, il rappelle pour la troisième séance de suite, la troisième rencontre de suite, il rappelle à son patient que la cigarette, elle va te tuer et tu dois cesser de fumer. Et là, je vais te dire. J'avais un patient comme toi, qui était plus jeune que toi, plus en santé que toi, qui fumait moins que toi. Et voilà ce qu'il est. Il est mort. un autre, un deuxième, un troisième. Qu'est-ce qu'il va dire lui? Je remercie beaucoup, il m'a fait réveiller. Ok, donc ça c'est quoi? C'est un bienfait qu'il est en train de lui faire. En lui mentionnant le sort de ceux qui ne font pas la même. Attention, attention, tu vas dans le mauvais chemin, dans la mauvaise direction. Donc ça c'est une ni'ma. Numéro 2, ils disent les ulama aussi, فَإِنَّ أَيْضًا فَهَلَاكُ الْكَافِرِينَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَخْلِيصٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ شُؤْمِ عَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ نِعْمَةٌ جَلِيلَةٌ يَحَقُّ أَنْ يُحْمَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا. Aussi, lorsque Allah Ta'ala, il détruit ces gens qui font l'injustice, qui font le tort, qui font le mal, qui propagent le kufr billah azza wa jal, shirk billah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les gens de la terre. Enfin, sont partis les gens de... Comment était la terre après le déluge et la fin du peuple de Nuh? Comment était la terre? Pure, propre maintenant. C'est le calme, finalement. Ils sont partis. C'est clair? C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nettoyage. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Les ulama, ils disent c'est là où s'arrête un peu pas mal le siyaq. Non, excusez-moi. Je peux revenir en arrière ici parce que j'avais oublié de mentionner ce détail. Au début, avant ça, ça parlait des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi de suite et ça parlait de suhuf Ibrahim wa Moussa, ça c'est, j'aurais dû mentionner ça avant, mais قدر الله ما شاء فعل. Les ulama ils disent, ça veut dire que les livres de Ibrahim et de Moussa alayhi salam, c'était surtout des mawa'id, des rappels. Il y avait beaucoup de rappels, pas juste de la législation. Il y avait beaucoup de mawa'id, des principes généraux. C'est clair. Passons à la ayah numéro 56. Donc là, c'est le dernier groupe de Surat An-Najm. Le dernier groupe ici, dernier contexte, à partir de la ayah numéro 56. Allah Azza wa Jal, il dit « هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى » On a « نَذِير »« نُذُر » « هَذَا » ça, celui-là, cette chose-là devant vous. Elle est nadir, mina an-nudur. Donc nadir, c'est le singulier, nudur, c'est le pluriel. C'est quoi nadir? Un avertissement ou un avertisseur. Donc ça peut être nadaratun, l'avertissement, ou ça peut être plus particulièrement l'avertisseur qui est nadirun. Donc les prophètes, ils sont qui? Ils sont quoi? Ils sont nadirun wa bashir. Ils sont avertisseurs et annonceurs de bonnes nouvelles. Mais vu que le contexte ici, ce n'était pas pour leur annoncer des bonnes nouvelles, l'essentiel de la sourate, encore une fois, ça ne parle pas aux croyants. Ça parle aux kafirin, aux mouchidikin. Ça parle de la punition d'Allah Azza wa Jal. Alors, ça finit par un dernier avertissement, un rappel. « هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى » Ça, c'est un avertisseur. Alors, c'est qui ce nadir ici? Alors, les ulama, ils disent... أي هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نذير للناس من جنس ما سبق من الرسل. Opinion 1, ça parle du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Que ça, c'est un avertisseur du même type d'avertisseur que les premiers avertisseurs. Ça veut dire que les messagers avant lui. Nuh, Salih, Ibrahim, Moussa, ces messagers sont cités ici dans cette sourate. Salih n'est pas cité par son nom, mais ça parle de son peuple, par exemple. Même chose pour Lot, alayhi salam. Mais ils sont cités dans cette sourate. Allah Ta'ala, il dit aux Arabes, qui connaissaient bien ces prophètes en passant. Les Arabes, ils n'étaient pas complètement ignorants. Ils savaient qu'il y avait un prophète s'appelait Moussa, un autre prophète s'appelait Ibrahim, alayhi salam. Allah Ta'ala, il leur dit que cet homme qui vient de votre tribu, Muhammad, sallallahu alayhi salam, c'est un avertisseur de la même suite que les avertisseurs avant lui, que les messagers avant lui, alayhim as-salatu wa as-salam. Deuxième opinion, qila al-Qur'an, que l'avertisseur ici, c'est le Qur'an. Wa huma mutalaziman, il n'y a pas vraiment de contradiction. Quand on dit que l'avertisseur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou que c'est le Qur'an, c'est le message du prophète Muhammad alayhi as-salatu wa as-salam. Et il y a une autre opinion qui dit que هذا المذكور في صحف إبراهيم وموسى نذير من النذر الأولى التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم. وذهب إلى هذا ابن جرير الطبري. Que l'avertissement ici, c'est parmi les premiers avertissements. Ça veut dire l'avertissement qui est trouvé dans les livres de Ibrahim et de Moussa. Ça, c'est l'avertissement avant. Mais maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour répéter le même et pour rappeler le même avertissement alayhi as-salatu wa as-salam. Ayah numéro 57, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Azifat al-azifa. Azifati al-azifatu. Donc, azifat, c'est un verbe passé, al-madi. Azifat al-azifa, c'est un nom. La racine, elle est la même. On peut l'entendre clairement. Azifat al-azifa. Ay qarubat wa danat al-qiyama. Le sens général de cette ayah, c'est quoi? C'est que le jour du jugement dernier, al-qiyama, elle est proche. Summiyat bidhalika liqurbiha. Donc, le jour du jugement dernier, qiyama a plusieurs noms dans le Coran. Parmi ces noms-là, c'est quoi? C'est al-azifa. Comme on a dit un peu plus tôt, lorsque quelque chose a plusieurs noms, très souvent, c'est parce que chacun de ces noms fait référence à un attribut particulier. Al-Qiyama, la fin du monde, s'appelle Al-Qiyama. Pourquoi Al-Qiyama? Yaqoumu an-nas li rabbil alamin. Ça vient de Al-Qiyam. Les gens vont se lever, vont sortir de leur tombe, ils vont se lever pour être exposés devant Allah Azza wa Jalla. Elle s'appelle aussi Al-Azifa, ici dans Surat Al-Najm. Al-Azifa, aslu azafa yadullu ala ad-dunuwi wal-muqaraba. Racine azafa fait référence à quelque chose de proche. Elle s'appelle Al-Azifa parce qu'elle est proche. Azifat Al-Azifa. La fin, elle est proche. C'est ça le sens ici de cette ayah. وقال ابن عطية بإجماع من المفسرين. Là, tous les مفسرين s'accordent là-dessus que ici ça parle de القيامة. أي قربت ودنت القيامة منكم أيها الناس. Vu encore une fois, le contexte c'est quoi? Allah Ta'ala il parle de l'avertisseur, c'est le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Il est venu entre autres pour vous avertir qu'il va avoir une قيامة et que la قيامة elle est proche. Et aussi, il y a quelque chose de très intéressant ici. Ça, c'est pas dans les références ici que j'ai consulté, mais c'est quelque chose de, comme on dit, de obvious, de clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des messagers. Son rappel, c'est le dernier des rappels. Il est le sceau des prophètes. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn. » Moi et la fin du monde, on a été envoyé comme ces deux doigts. إن كادت لتسبقني. Elle m'a presque devancé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, il a dit quoi? اعدد ستا أو خمسا قبل قيام الساعة. Je ne me rappelle plus s'il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'il a parlé de 5 ou de 6 signes. Mais le premier c'est quoi? Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam موتي, ma mort. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe aussi de du rapprochement encore plus de la fin des temps. Donc là, venu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le nadir, et de ce fait aussi, la fin, elle est proche. Al-Qiyama, elle est proche. Azifat al-Azifa. وَالتَّنْبِيهُ عَلَى قُرْبِ الْمُنْذَرِ بِهِ هُوَ مِنْ كَمَالِ الْإِنْذَارِ لِلْبِدَارِ بِتَجَنُّبِ الْوُقُوعِ فِي مَا يُنْذَرُ بِهِ. Donc là, il y a l'avertissement qu'attention à quelque chose de grave qui s'en vient. Mais un avertissement encore meilleur et plus sincère et plus poussé, c'est de noter aussi que cette chose-là qui va s'en venir, elle est proche. Donc là, si on va revenir, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, l'exemple du médecin, des gens qui fument comme toi, ça finit par mourir jeune. Mais là, il ne comprend pas. Ça finit par mourir très très jeune. Là, je te parle de dans quelques mois. Ah, là, c'est plus. Là, c'est un avertissement qui est plus sérieux. C'est pas continu. Peut-être tu vas mourir à cause de la cigarette dans 20 ans. Dans quelques mois. C'est très proche, le mal qui pourrait te toucher. Donc là, c'est un avertissement encore plus sincère, plus poussé, plus déclaré. min tamam al-inzar, plus complet. Et al-azifa, ce nom-là de al-qiyama, il est cité aussi dans surat Ghafir. Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لَهُمْ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. Ayat numéro 58, Allah Azza wa Jal, il dit, لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً. لَيْسَ لَهَا, il n'y a pour elle, ça veut dire pour Al-Qiyama, parce que Al-Qiyama ici, elle est appelée Al-Azifa, c'est au féminin en arabe, donc Laysa Laha au féminin, elle, c'est Al-Qiyama, le jour du jugement dernier, elle n'a pas excepté Allah, min dounillah, kashifa. Kashifa, c'est, ça vient de Al-Kashf. C'est quoi Al-Kashf ici? Kashf, c'est de découvrir. On va... Tout comme il y a yarsha, yarsha c'est de couvrir. On va quoi? Yakshifu. On va dire quoi? Kashafa an asrarihi. Il a découvert, il a dévoilé ses secrets. Kashafa. Amma fi nafsihi. Il a dévoilé ce qu'il y avait dans son cœur. Iktashafa. On dit ça beaucoup de nos jours. Un mot très fréquent de nos jours. Iktashafa. Il a découvert. Iktishaf. Une nouvelle découverte scientifique. Donc, laïsa laha min dounillahi kashifa. Donc là, on comprend qu'il y a quelque chose qui est couverte et qu'il n'y a personne qui peut la découvrir à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le sens ici, c'est quoi? Laïsa laha min dounillahi kashifun liwaqtiha aw qadirun ala daf'i shada'idiha wa ahwaliha. Donc, ici, on a deux opinions. La première opinion... adopté par Ibn al-Jawzi al-Wahidi al-Shawkani al-Mawardi, la yakshifuha idha ghashiyat wa la yaqdiru ala daf'i shada'idiha wa ahwaliha illa Allah. Que y a personne qui va la découvrir idha ghashiyat, lorsqu'elle va tomber al-qiyama, lorsqu'elle va arriver al-qiyama, les ahwal, les grandes agonies, les grands événements de la fin des temps et de l'qiyama, il n'y a personne qui pourra les relever, les faire partir, les faire disparaître une autre fois. Laysa laha min dounillahi kashifa. Personne. Il y a des événements malheureux qui arrivent dans la vie, mais que Allah Ta'ala il a laissé aux êtres humains une certaine capacité de d'intervention. Il y a un grand mal, il y a une guerre, les gens souffrent. Après ça, les gens ils disent, s'il vous plaît, on veut que la guerre soit finie. Après ça, des êtres humains, des gens, personnes de puissance, qui vont faire un pacte de paix et ils vont quoi? Arrêter la guerre. In kashafat. Elle est partie. Et plusieurs autres exemples. Mais le qiyama, c'est un événement que nul ne pourra faire disparaître et relever les épreuves de ce jour-là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier sens ici de laysa laha min dounillahi kashifa. Quand elle va tomber comme ça, le qiyama, personne ne pourra la faire relever, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième opinion, ليس للقيامة مظهر لعلم وقتها ومتى تكون غير الله تعالى ولا يكشف عنها ولا يظهرها إلا الله. Un autre sens qui est complètement vrai aussi, c'est que al-qiyama elle est cachée. L'heure de al-qiyama, le rendez-vous, c'est quand et comment? Personne ne sait ça. Ça c'est couvert, c'est un secret. Le seul qui va faire découvrir Al-Qiyama, qui va la montrer aux gens que maintenant c'est Al-Qiyama, c'est qui c'est? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'opinion de Ibn Qutayba al-Farra, Samarqandi al-Baghawi al-Khazin al-Qasimi. Comme Allah Azza wa Jal dit dans surat Al-A'raf, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être quand la fin des temps, c'est pour quel jour, pour quelle année? prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Allah Ta'ala lui dit de leur dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît. Alors, aussi certains ulama, ils disent le lien, il y a aussi quelque chose d'intéressant ici. Munasaba, lamma daqa al-khinaqu min dhikriha ala wajhi, ala hadha al-wajh. Vu que le qiyama, ça fait peur, c'est effrayant qu'il va avoir le qiyama. Si le qiyama, elle va arriver, alors qui va nous sauver de le qiyama? Allah subhanahu wa ta'ala, pour alléger ses serviteurs, il dit subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui va la faire quoi? Partir cette qiyama, ces événements du grand de la fin, ils vont arriver, ils vont être effrayants, mais celui qui peut protéger contre le mal et la peur et la terreur de ces événements-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فأفهم هذا أن الله عز وجل يكشف كربها عمن يريد من عباده ويثقله على من يشاء ويكشف علمها بإقامتها ولا حيلة لغيره في شيء من ذلك بوجه من الوجوه. Est-ce que la qiyama sera la même pour tout le monde? Est-ce que l'effet de la qiyama sera le même pour tout le monde? Non. الله عز وجل يهونها على من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala va alléger la qiyama pour ceux qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va alourdir l'effet de la qiyama pour ceux qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ayah numéro 59, Allah azza wa jal, il dit « Afa min hadha al-hadith ta'jaboun » Est-ce que c'est de cette parole, de ce hadith qui est le Coran al-Karim, ta'jaboun, vous êtes surpris? Vous faites semblant, vous faites comme si, ah, vous ne comprenez pas, c'est surprenant, c'est bizarre, c'est étrange. Afa min hadha al-Qur'an ta'jaboun ayyuha al-mushrikoun? Parce que eux, c'est ça qu'ils prétendaient, c'est des menteurs, bien sûr. Ils disaient, à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aja'ala al-alihata ilahan wahidan. إن هذا لشيء عجاب comme dans sourate Sad. Ah, il veut réduire toutes les divinités à un seul dieu, ça c'est bizarre, c'est étrange. Et aussi Allah Azza wa Jalla dans sourate Qaf, il dit subhanahu wa ta'ala bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum fa qala al kafirun hadha shay'un ajib. Il montre qu'ils sont surpris par le fait que l'avertisseur c'est un être humain comme eux. Et les kafiris en disent, c'est bizarre ça, un être humain qui est prophète, qui est messager d'Allah, c'est bizarre. Allah Azza wa Jalla dit, أَبْفَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Parole claire, évidente d'Allah subhanahu wa ta'ala, des avertissements si forts que ça. Ayah numéro 60, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Et vous êtes en train de rire à la place de pleurer. Après tous ces avertissements, vous êtes en train de rire. تَضْحَكُونَ مِنَ الْقُرْآنِ إِسْتِهْزَاءً. Vous êtes en train de rire de l'Qur'an par moquerie, par rabaissement. وَلَا تَبْكُونَ إِنْزِجَارًا وَخَوْفًا. À la place de pleurer par peur de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, encore une fois, le rire et le pleur, ça revient dans cette ayah. N'est-ce pas que Allah azza wa jal, avant ça, il a dit que c'est lui qui fait pleurer, celui qui fait rire. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il les blâme pour rire et ne pas pleurer. Pourquoi? C'est volontaire. De quelle façon c'est volontaire? De la moquerie. Donc, il y a ici la question du motif. Donc, comme on a mentionné, rire et pleurer, lorsque c'est spontané, c'est quelque chose qui vient d'Allah Azza wa Jal. C'est involontaire, ça découle de nos sentiments. Mais il y a une distinction ici à faire. C'est pour ça que les ulama, ils disent entre autres, كثرت الضحك تميت القلوب. Trop rire dans la vie, qu'est-ce que ça fait? Ça cause la mort du cœur, c'est pas bien pour la spiritualité. Mais quelqu'un va dire, mais c'est pas ma faute à moi, c'est Allah, c'est lui qui fait rire, qui fait pleurer, subhanahu wa ta'ala. Non, mais là, il y a une autre chose, qui est si la cause qui a mené vers le rire et vers les pleurs, c'est quelque chose de volontaire, là on a une certaine responsabilité. Si quelqu'un, il va mettre comme ça à la télé, il va dire, moi je vais chercher des épisodes de rigolade comme ça, des films qui font rire et tout, et il ne fait que ça toute la journée. Sachant que, par exemple, le contexte est le pire pour ça. Quelqu'un, sa mère, elle vient de mourir. Et lui, commence à rire. C'est pas normal, ça. Pourquoi il est en train de rire? Là, on va chercher la cause. Encore une fois, parce que soit que ça donne ici un aperçu qu'avant ça, sa mère n'avait aucune importance dans sa vie. Faisait pas du tout de birrul walidayn. Ou, comme on a mentionné, s'il va mettre... Il y a des choses pour chaque contexte, c'est vrai ou non? Ou quelqu'un, il va pleurer le jour de l'Eid. C'est l'Eid, les gens, dans l'islam, il faut montrer la joie et tout. Et lui, il va pleurer. Pourquoi tu pleures? J'ai lu des histoires très tristes et je suis en train de lire des histoires, des drames et je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le moment pour ça. Ça, c'est la journée de quoi? De l'Eid. Alors, si quelqu'un reçoit les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala si percutant que ça, l'indhar, et qu'il va répondre par le rire et la moquerie, ça c'est pas juste que c'est quelque chose d'involontaire, non, c'est plus profond que ça. Ça veut dire la personne, elle n'accorde aucune importance à la vérité, à l'haq. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. وَأَنْتُمْ en étant, ça décrit leur état, ils sont en train de rire, ils passent de pleurer, et ils sont quoi? سَامِدُونَ. C'est quoi سَامِدُونَ ici? أَيْلَهُونَ غَافِلُونَ مُعْرِضُونَ. Ils sont distraits, occupés, désintéressés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Anbiya, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. Donc là, ces ayats de sourate Al-Anbiya se rapprochent beaucoup ici de ces ayats, de ce contexte de sourate Al-Najm. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. Le jugement des gens, il se rapproche de eux, il est devenu très proche de eux. Mais leur état, c'est quoi? وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. Ils sont dans l'insouciance, مُعْرِضُونَ, désintéressés. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. À chaque fois qu'il y a un dhikr, un rappel qui leur vient de leur Seigneur, récent, nouvelle ayat que Allah Ta'ala il révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que même sourate Al-Anbiya elle est mécoise, révélée avant la hijra, اسْتَمَعُوهُ, c'est en train d'écouter le rappel d'Allah Ta'ala tout en jouant. Il est en train de jouer. Celui qui joue en écoutant les avertissements d'Allah Azza wa Jal, va-t-il pleurer lui? Non. Va-t-il être affecté? Non. Non. Parce que s'il était sérieux en se disant que ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, si c'est le moment d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ferme. Personne qui t'a dit que tu dois toujours fermer et toujours écouter le maw'idha, c'est pas ça le sens. Le sens n'est pas que chaque matin, chaque soir, chaque après-midi tu dois t'asseoir, écoutez une maw'idha, avertissement, arrêtez tout. Non. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète صلى الله عليه وسلم, il choisissait le temps des avertissements, des rappels, ne faisait pas ça en permanence pour que les gens ne soient pas quoi? Lassés. Barakallahu fik. C'est trop. Je ne suis plus intéressé, c'est trop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yatakhawwaluna. Mais comme on a dit, il y a des moments qui sont pour certaines choses. Donc, ça va donner un exemple clair. Salatul Jumu'ah. Et il y a khutbatul Jumu'ah. Khutbatul Jumu'ah, c'est le moment du rappel. Ce n'est pas le moment d'autre chose. Ce n'est pas le moment d'autre chose. De ce fait, c'est pas le moment de juste avant khutbah Jumu'ah regarder des choses comme ça, drôles. s'asseoir dans le masjid en attendant le imam qui vienne, regarder le foot, regarder les nouvelles du sport. Non, c'est pas le moment pour ça. C'est le moment de se préparer à accepter et à écouter la maw'idha. C'est pas le rappel, c'est le moment pour ça. Ces mouchriquins, c'est la même chose. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit illa istama'uhu wa hum yal'abun la hiyatan qulubuhum. Leur cœur étant complètement distrait. Celui qui veut bénéficier du rappel, il va s'asseoir, il va s'assurer de faire en sorte qu'il y ait que les moments de rappel, son cœur ne sera pas dans la distraction, dans le divertissement. Il va être coupé de ça. Il va être dans un mode dans lequel le cœur, il est capable d'écouter les avertissements. Et c'est là que le cœur va bénéficier. C'est clair ? Alors ici, « وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ » Écoutez ce que certains ulama, ils ont dit ici. Certains ulama, ils ont dit « سَامِدُونَ إِلَهُونَ » distrait. D'autres, ils ont dit ils ont dit mu'ariduna, désintéressés, comme on a mentionné. Mais il y a ici une troisième opinion très intéressante ici qui vient, qui est plus précise. Ça parle en quelque sorte de la cause. قال الثالث هو الغناء, la musique. استمعوه فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. Ça veut dire, vous êtes en mode quoi? Musique et chanson. Ils disent, « هذه لغة أهل اليمن بالحميارية يقولون أسمد لنا أي تغن لنا. » Les gens de Yémen, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur langue, dans leur langage, dans leur arabe, « أسمد لنا » commence à chanter. Chante, fait de la musique. Donc là, la musique et la chanson est une illustration, encore une fois, de ces causes-là de distraction, de lahou, de l'insouciance. C'est pour ça ici que Ibn Uthaymeen, il a choisi cette opinion, rahimahullah, dans son tafsir, il dit as-sawabu anna al-murada ghafiluna anhu bil-ghina'i wa ghayrihi mimma tatalahawna bihi hatta la tasma'u kalam Allah 'azza wa jalla. Il préférait opter plutôt pour les chansons et la musique et d'autres distractions pour ne pas écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça les gênait d'écouter de telles vérités, de tels avertissements. Fais la musique, on va plutôt être joyeux, on va être heureux, comme ça. Et parce que s'ils vont être dans ce monde, c'est normal que le cœur ne va pas être affecté par les avertissements. C'est impossible. Et certains ulama, comme ils mentionnent ici à Tahir ibn Ashur, aussi ils disent « Samidouna mina sumud wa huwa ma fil mar'i min al-i'jab bin nafs » Ils disent as-sumud aussi. Tout ça, c'est des sens qui viennent ensemble en passant. Okay? Tout ça, c'est des sens. Parfois, ça parle de la causalité, comme la musique. Parfois, ça parle de l'état de la personne, son cœur dans l'insouciance. Parfois, comme il dit ici, la réjouissance, la complaisance, l'irjab bin nafs. Quelqu'un, je pense, très important ici. Samad al-ba'ir ou idha rafa'a ra'sahu fi sayrihi. Ils disent que samad al-ba'ir, l'animal al-ba'ir, ils disent samad lorsqu'il lève sa tête comme ça vers le haut, se montre important. Muthila bihi halul mutakabbir al-mu'rid 'an an-nush. C'est une analogie qui est ici prêtée pour faire référence à celui qui est arrogant et qui lève sa tête comme ça, qui ne veut pas écouter la nasiha, le rappel ou un conseil ou autre chose. Je suis trop important pour que tu me parles de ça. وقال ابن القيم ذم المعرضين عن سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناء كما هو حال السماعاتية المؤثرين لسماع المكاء والتصدية عن سماع على سماع القرآن. ابن القيم رحمه الله il dit ici que cette aya elle parle de ذم, les reproches à ceux qui délaissent, détournent d'écouter le Coran pour écouter à la place quoi? La musique et les chansons. Parce qu'il dit ici, نَظِيرُ الَّذِينَ أَضَاعُوا الصَّلَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dans surat Maryam, Allah Azza wa Jal, il nous parle, subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, d'une génération perdue qui est venue après des gens pieux, أَضَاعُوا الصَّلَاتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, qui a délaissé la salat, en suivant à la place quoi? Les tentations, les passions, les shahawat. Ici, c'est la même chose. Ils vont suivre la musique et les divertissements et ils vont délaisser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, la dernière ayah dans cette surah, ayah numéro 62, Allah azza wa jal, il dit « Fasjudu lillahi wa'budu ». Alors faites le sujoud, la prosternation à Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa'budu » et faites l'adoration. Ça veut dire l'adoration à Allah. Même si ça ne dit pas « Fasjudu lillahi wa'buduhu », ça dit « Fasjudu lillahi wa'budu ». Faites le sujoud à Allah et faites la ibada. « Ay fasjudu lillahi wahdahu khadi'ina lah wa'buduhu wahdahu mukhlisina » Lahu, faites le sujoud exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le sujoud, c'est une grande illustration de la ibada. De ce fait, elle doit être dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. As-Sam'ani, il nous mentionne que ba'dhum hamala hadha 'ala as-salawati al-khams. Certains ulama, ils ont dit que cette ayah, ça parle des cinq salawat. Usjudu, ça veut dire faites votre salat. Et d'autres ulama, ils disent inna al-ayah tanazalat bi Makkah qabla fard as-salawati al-khams wa as-suratu makkiyah. Certains ulama disent non, parce que la ayah ici a été révélée avant la révélation des cinq salawat. Donc ça ne parle pas nécessairement des cinq salawat, mais ça parle de se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala. Fasjudu lillahi wa'budu, ayikhda'u lillahi wa wahhidu, wa yuqalu al-muradu minhu aslu sujud, wa al-muradu min al-ibadati hiya al-ta'a. Donc certains ulama disent que si ça fait référence à la prosternation, l'idée de se prosterner à Allah Azza wa Jal, et que la ibada ici ça fait référence à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, soumission à Allah Azza wa Jal, wa'budu Allah subhanahu wa ta'ala. طيب cette ayah bien spécifiquement commencé dans le Coran Karim, il y a des ayats qui sont ayats de sujoud. Lorsqu'on les récite, c'est une pratique, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se prosterner. Mais pas parmi ces ayats de sujoud, il y en a qui font l'unanimité entre les savants, d'autres qui ne font pas l'unanimité. Entre autres, cette ayat ici, dans surat An-Najm, il dit ici, l'imam, c'est quoi, c'est la parole de l'Qurtubi, na'am. Qala, huwa qawlu ibn Mas'ud, wa bihi qala Abu Hanifa wa al-Shafi'i. Selon Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, ainsi que l'opinion de l'imam Abu Hanifa, ainsi que al-Shafi'i, c'est que cette ayah, c'est parmi les ayats de As-Sujud. Une autre opinion, c'est l'opinion de Abdullah ibn Umar, le compagnon, ainsi que l'imam Malik, rahimahullah, kana la yaraha min azaimi As-Sujud, que cette ayah ici, elle ne fait pas partie des ayats de As-Sujud, que lorsqu'on les récite, on doit faire le sujud. Mais dit l'imam Qurtubi, wal awwalu asah, la première opinion, elle est celle qui est la plus forte, la plus authentique. Ça veut dire que cette ayah, on fait le sujoud lorsqu'on récite cette ayah dans, encore une fois, le contexte de récitation de le Coran. Notant que malgré que l'imam Qurtubi, il est maliki, mais il a choisi l'opinion plutôt de Shafi'i et de Abu Hanifata, alayhi rahmatullahi ta'ala. Finalement, ici en conclusion, « قالوا الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله » De un, Allah ta'ala, il ordonne de faire le sujoud pour nous rappeler la valeur du sujoud, la noblesse du sujoud. De un, et وَأَنَّهُ سِرُّ الْعِبَادَةِ وَلُبُّهَا, et que le sujoud, c'est le noyau de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le noyau de l'adoration, c'est quoi? C'est الخضوع, la soumission à Allah azza wa jal. وَالسُّجُودُ هُوَ أَعْظَمُ حَالَةٍ يَخْضَعُ بِهَا الْعَبْدِ. Et la prosternation, c'est la position ultime pour démontrer la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. يُخْضِعُ قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ, car le croyant, il va soumettre son cœur et son corps à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجْعَلُ أَشْرَفَ أَعْضَائِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَلْمَهِينَةِ مَوْضِعَ وَطْئِ الْأَقْدَامِ, et qu'il va mettre le lieu ou l'emplacement le plus noble de son corps, qui est le visage, le plus respectable, il va le mettre au point le plus bas, qui est la terre, là où on marche. Mawdi'u al-aqdam. Donc ça, c'est une illustration de la pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a mentionné avant cela. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Mu'ad ibn Jabal? A'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Aide-moi en faisant beaucoup de sujoud. Et Allah ta'ala, il nous a dit aussi wasjud waqtarib. Les ulama, ils disent, par chaque sajda, chaque prosternation qu'on fait, on se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, walhamdulillahi rabbil alamin, c'est la fin de sourate, de tafsir de sourate An-Najm. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de couvrir? À propos de quel ayah? Ah, ici, donc, il a mentionné, est-ce que ça parlait de soujoud dans le sens de as-salat ou ça parle du soujoud en général, le soujoud? Est-ce que ça parlait des salawat khams, les cinq salawat, ou ça parlait du soujoud en général? La deuxième opinion, oui, c'est ça. La deuxième opinion, c'est qu'ils disent, non, ça, cette ayah ne parle pas du soujoud dans les cinq salawat parce que les cinq salawat n'étaient pas nécessairement encore révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, il dit de faire la prosternation. Dans quelle prosternation? La prosternation en général. Même avant la révélation des cinq salawat, les croyants se prosternaient à Allah azza wa jalla comme signe de ibadah. Et les gens de l'jahiliya aussi dans leur adoration de leur shirk, qu'ils se prosternaient devant leur tombe et leur pierre et ainsi de suite. Oui, Akhi. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Est-ce que vous êtes... Parce que les mouchriquins, les amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient que toi, ton message, il est étrange, bizarre. Allah Ta'ala leur a dit, vous trouvez que ça, c'est bizarre, c'est étrange. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Entre autres, comme dans d'autres ayats dans le Coran, ça explique. Ils disaient, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. C'est qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là qui prétend être prophète? Il veut réduire toutes les divinités à un seul dieu? Ça, c'est bizarre. Ok? Allah Ta'ala leur dit, « فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. » Y a-t-il quelque chose de bizarre dans tout ça? Ça parle, cette sourate, elle parle de quoi? Elle parle des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des cieux, de la terre, des malaïka alayhimu salam. Ça parle de la création. N'est-ce pas? Allah Ta'ala a créé l'homme et la femme et un autre face. C'est Allah qui a fait rire, qui a fait pleurer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le seigneur de Ash-Shi'ra, de cette étoile. Allah ta'ala, il leur parle des nations du passé qui ont été détruites, que eux connaissent très bien. En somme, c'est quoi leur histoire? Il n'y a rien de bizarre dans ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ce message pour que vous prétendez que c'est bizarre ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a amené comme religion? C'est clair? Non. Non, Marie. Non, ça ne parle pas nécessairement de cette ayah, parce que l'ayah, elle est révélée maintenant pour leur parler de ce qu'ils font habituellement. Habituellement, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Donc là, pour ils ont constaté, les mouchriquins, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il influençait plusieurs personnes par le Coran. Il y avait plusieurs personnes que, lorsqu'ils entendaient le Coran pour la première fois, malgré qu'ils étaient des ennemis de l'islam, et ils étaient émerveillés. Donc là, ils ont peur de perdre leur cœur et que leur cœur va suivre la vérité. Ils ont dit, « La tasma'u li hadha al-Qur'an. » N'écoutez pas le Coran, « Walghaw fihi. » Dès que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à le réciter le Coran, faites le larou. C'est quoi le larou? Commencez à rire, à dire des blagues, parler fort et tout pour créer du bruit comme ça autour pour que les gens ne puissent pas écouter le Coran. Donc eux, ils sont en train, encore une fois, de s'efforcer de rire, de blaguer autour de la récitation de le Coran et du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Samidoun, il y a plusieurs avis des ulama. Donc il y a certains avis qui sont plus spécifique, comme l'avis qui dit que Samidoun, c'est ceux qui font et écoutent la musique et la chanson. Et l'autre opinion aussi spécifique qui parle plus de celui qui est trop content, se pense trop important, il veut pas écouter. Et il y a les avis qui sont plus généraux, qui incluent cela, mais qui vont plus général encore. C'est en général, c'est Samidoun, Lahoun, ceux qui sont occupés par autre chose, sont divertis. Non, on n'a pas le temps pour ça. C'est toujours l'état de kafirin. Ça, c'est toujours le cas de kafirin à travers quoi? L'histoire jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas le temps de parler de ça. La religion et le tawhid. Mais viens, je vais te parler du Coran, un peu de l'islam. Non, j'ai un parti demain, et une fête la semaine prochaine, et une réunion, et un voyage, et tout. Je n'ai pas temps pour ça. Ouais, ça, c'est... Oui. Ça, je ne sais pas. Allahu a'lam. Ça, il faut voir les tafsirs de l'autre ayah. Est-ce qu'il y a des ulama qui ont mentionné la musique? Ça, je ne sais pas. Mais dans cette ayah ici de sourate Najm, les ulama parlent spécifiquement de la musique. Mais encore une fois, faut pas. Oui, ça c'est une très bonne question. Mais est-ce que Sourate An-Najm a été révélée de façon comme ça chronologique selon son ordre? Allahu a'lam. Je sais pas. Peut-être oui, peut-être que non. Parce que rappelons, c'est pas toujours une sourate du Coran n'a pas nécessairement été révélée quoi? Première partie, deuxième. Il y a des sourates que la fin de la sourate a été révélée avant, mettant le milieu de la sourate par exemple ou autre chose. Non. Oui, ça c'est exactement. Ça c'est mentionné dans les narrations qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné. Donc ça, c'est pas nécessairement que c'était lorsque la ayah a été révélée, sauf si ça dit dans la narration. Mais il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ça plus tard. Surah a déjà été révélée, mais une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité, et ça dit dans les narrations qu'il y a certains des mouchidikines qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient effrayés, ils ont fait le sujoud avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a récité cette ayah. Il y en a vu dans le cours sur Sira qu'à cause de ça, il y a une rumeur qui est sortie que Quraysh, ils ont accepté l'islam, et que là, il y a certains compagnons qui ont fait l'erreur de revenir de l'Habasha. Ils ont fait la hijra à l'Habasha, ils ont dit « Ah, Quraysh, ils ont accepté l'islam, revenons chez nous ». Lorsqu'ils sont revenus à Mecca, ils ont trouvé que ces gens-là étaient encore des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon ? وإياكم إن شاء الله والله أعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين